Pendant 10 jours, depuis le commencement de la campagne de 200 jours pour l'accomplissement de la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, les artistes de la capitale, comme la troupe artistique Mansoudé, la troupe d'État d'art national et la troupe d'opéra Pibada, ont donné plus de 120 fois leur représentation dans le lieu de travail pour encourager les militants du parti et autres travailleurs à la création de la vitesse Malima.